fais un couplet. Attends. Bien pop à la Benji. Eh ben bonne clope alors. Thank you. ce truc où il y a des trucs à la fin. Ah, c'est du 16 ça. Ça doit être un truc de 16 ça, non? Non, 32? Merde. Le sommeil ne vient pas. Assis au bord de son lit, il réfléchit. Assis au bord de son lit, il réfléchit. Merde, qu'est-ce qui s'est passé sur mon truc? Assis au bord de son lit, il réfléchit. Caler 1, 2. Du coup, après, je peux monter le volume. Ouais, d'accord. Attends, ok. hauteur. Je crois qu'il a baissé les volumes. Table de mixage. Espoir de voir enfin briller son étoile. Allez, la suivante. Calme-toi. We'll be right back. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4. Thank you. C'était un bon délire, hein. Comme ça. Attends, ça faisait. Je le refais le riff. Thank you. Ça c'est pour les bourrins. Thank you. pas voté. Après, je vais manger. Ça va un peu vite quand même, 160. La dernière. La dernière, et après, miam, miam. Attention, c'est parti. chante pas. Non, j'ai pas le temps. Attends, c'est sûr que je parle. Attends, si je veux faire la basse, je fais le chant. Tu l'entends ma voix? Je peux pas faire la basse avec les gens, j'arrive pas bien. I was born in a crossfire again. And I own a mile in the driving wheel. But it's all right now. In fact, it's a gas. But it's all right. I'm jumping jack flies. Attends, je regarde Skype. Skype. Ah oui, j'ai un message. Oh, c'est gentil. Je t'ai envoyé un message. D'accord. Ok, bye. A plus. Ça, c'est que j'ai faim. Désolé, il marche pas très bien. Allez, salut, Cyber. Il est où, Cyber? Salut, Cyberdog. J'aime bien ces annonces.